بسم الله الرحمن الرحيم. Dans le dernier vers, on avait pris le chapitre que la da'wa des gens de la sunna avait divisé entre les gens. C'est-à-dire c'était un chapitre qui était relatif au wala ou al bara, l'alliance et le désaveu. D'accord ? Car beaucoup de gens, malheureusement, mal compris ce bab-là, ils se sont mis à qualifier les salafis gens de la sunna comme étant des sectaires. Et en réalité, le mot sectaire n'est pas un mot qui est approprié. Mais le mot le plus convenable employé serait sélectif. Naam. Les gens de la sunna et salafis sont des gens sélectifs. Ils ne se mélangent pas à n'importe qui, ils appellent la vérité. Celui qui ne prend pas la vérité, ils ne se mélangent pas à lui. Et kazalik, les gens de l'istiqama. D'accord ? Les gens de l'istiqama, c'est-à-dire les gens qui commettent des péchés ouvertement, ouvertement et impunément, après que le conseil leur soit parvenu, il est certain que les gens qui craignent Allah, les gens pieux, ne se mélangent pas à eux pour ne pas par la suite être influencés et tomber dans ce même genre de transgression. Et pour également blâmer la personne, montrer que je ne suis pas d'accord avec toi. Car ça, c'est l'une des causes qui provoquait la malédiction d'Allah Azzawajal sur les Bani Israël. Du fait que, comme a dit Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à Munkar, mais ils le faisaient quand même par la suite, ou bien sûr, ou bien évidemment, qu'ils voyaient un homme faire le Munkar, des choses blâmables, puis ils l'interdisaient, ils le reprimandaient pour cela, et le lendemain, ils mangeaient à sa table. Donc ça, ce n'est pas un comportement en soi qui est soit légiféré, et cela amène à la malédiction d'Allah Azzawajal sur nous. Non. Donc là maintenant, nous allons poursuivre dans l'autre chapitre qui est, comme a dit le mu'allif, hafizallahu ta'ala, wa hiya tahtammu bil 'aqidati sahiha. Que cette da'wa donne grande importance à la vraie croyance, le vrai dogme. Qala wa hiya tahtammu bil 'aqidati sahiha as-salimati as-safiya al-munbathiqa min al-kitab wa as-sunnah. Donc on donne de l'importance à cette aqida, cette bonne aqida, qui est saine et qui est pure et qui provient du livre de la sunna. وَيَا دَعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَهْذِيَ مِنِ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ إِنْسَانٍ الْعَمَلِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُوَحِّدًا مُخْلِصًا لِلَّهِ وَمُتَّبِعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الشَّخْصَ إِذَا وَقَعَ فِي الشِّرْكِ حَبِطَ عَمَلُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Que là, on dit que cette da'wa, elle appelle au tawhid, le fait d'unifier Allah Azzawajal dans l'adoration. Et le fait de mettre en garde contre le shirk, qui est l'association ainsi que ses gens, c'est-à-dire les mushrikines, les associateurs. Car Allah n'accepte de l'individu, son acte, ses œuvres, que s'il est muwahid, c'est-à-dire qu'il unifie Allah dans son adoration, et qu'il est sincère. Et qui suit le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est comme vous le savez, les conditions d'acceptation des actes. Que cet acte soit sincère pour Allah Azza wa Jal et en conformité avec la sunna du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et des ulama rajoutent qu'il faut qu'il soit, comme condition, en premier lieu, l'islam. Que l'individu soit musulman, bien évidemment. Et que si jamais la personne tombe dans le shirk, dans la situation, ses actes seront annulés. Dans le sens où Allah est dit, et certes, nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux d'avant toi, que si jamais tu avais associé, tes œuvres auraient été toutes annulées et tu aurais été du nombre des perdants. Az-Zumar, verset 65. Donc là, Azzawajal, il dit cela à son prophète alors que celui-ci est infaillible face à cette abomination qui est le shirk. Cet acte abominable qui est le shirk. Donc s'il dit cela à son messager alors qu'il est infaillible, cela est en guise d'avertissement sévère pour nous. Pour dire que si jamais cela lui serait arrivé à lui, si jamais il l'avait fait, chose qu'il ne fera pas, qu'en est-il de nous alors par rapport à cela ? Qala wa liyana ash-shirk a'zamu adh-dhunub kama qala ta'ala hakiyan 'an Luqman wa idh qala Luqman li ibnihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirk la dhulmun 'azim. Également que le shirk est le plus grand des péchés, comme Allah dans le sens où il dit en parlant de Luqman. Lorsqu'il dit, dans le sens, et lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il exhortait, « Oh, mon cher enfant, n'associe rien à Allah, car certes, l'association est une injustice immense. » Verset 13 de Sourate Luqman. « Wa qala subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu 'alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Dans le sens où Allah dit, « Et que certes, celui qui associe à Allah, Allah lui aura rendu interdit le Jannah, le paradis, et son refuge sera le feu, et que les injustes n'ont pas de secoureur. Al-Ma'ida, la table de service, verset 72. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. Dans le sens où Allah dit, certes celui qui est associé à Allah est comme celui qui tomberait du ciel ou des cieux et qui se ferait happer par les oiseaux et qu'il se ferait prendre par les vents en un lieu profond, lointain. Al-Hajj, verset 31. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Dans le sens où Allah dit, et certes que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais qu'il pardonne en dehors de cela à qui il veut, et que celui qui associe à Allah aura certes commis un grand péché. Et les versets par rapport à cela sont très nombreux. قال فأهل السنة يهتمون غاية الاهتمام بالعقيدة ويدعون الناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى ونافي ما عبد من دون الله تعالى مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les gens de la sunna attachent la plus grande importance à cette aqida, et ils appellent les gens au tawhid, et qu'ils refusent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en suivant par cela le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإنه كان يهتم بتعليم العقيدة الصغار والكبار الرجال والنساء وراكب وماشي وقاعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la plus grande importance quant à l'enseignement de ce tawhid, justement de cette aqida, aux petits comme aux grands, aux hommes comme aux femmes, alors qu'il était en monture, ou alors qu'il marchait, alors qu'il était assis, en toute situation. Dès que l'occasion se présentait, il appelait à cela. Il appelait et enseignait la aqida authentique. Un exemple que l'auteur donne dans le hadith d'Ibn Abbas. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يدرك بشيء لم يدرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Que Ibn Abbas, il a dit, qu'il était derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur sa monture, un jour, qui lui a dit, ô jeune garçon, certes, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve sa religion, Allah te préservera. Préserve Allah, et tu le trouveras devant toi. Et si jamais tu demandes, alors demande à Allah seulement. Si jamais tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah. Et sache que la Ummah, la communauté, même s'ils venaient à tous se réunir pour t'apporter un bien, ils n'apporteront qu'un bien que Allah t'a déjà écrit. Et que si jamais ils devaient tous se réunir pour t'apporter un mal, ils ne t'apporteront aucun mal, sinon ce que Allah a déjà écrit pour toi. Et que les feuillets ont été levés et que les encres ont séché. C'est-à-dire le destin a été déjà décrété. Et que Zalik, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, قال كنت ردفا كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Que Mu'az, il a dit qu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, son âne, qui s'appelait Ufayr. Et qui lui a dit, ô Mu'az, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il dit, je dis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, certes, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien du tout. Et que le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne les châtie pas si jamais il ne lui associe rien du tout. Je dis, c'est-à-dire Mu'az, ô messager d'Allah, ne vais-je pas en avertir les gens, leur faire la bonne nouvelle? Il dit, là, ne leur annonce pas, car ils se baseraient là-dessus. C'est-à-dire, ils se reposent là-dessus, ne verraient plus, et se contenteraient justement de cela. Et délaisseraient les actes. Et il cita d'autres adillets qui fait démontrant, indiquant que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appelait au tawhid, et que cela était la base de sa da'wah, la chose la plus importante. Naam. Donc là, c'était le fossil qu'on a pris aujourd'hui, indiquant que cette da'wah, les gens de la sunnah, donnent la plus grande des importances à la aqidah, au tawhid, et cela est le socle de leur da'wah. Car la réussite du abd, on dira même de l'insan, de la personne dans ce bas monde, n'est basée que sur le tawhid en soi et la bonne croyance. Naam. Fabiad al-Qad naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.